بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين وبعد Nous terminons, inshallah ta'ala, l'explication donc du premier chapitre de ce livre extraordinaire, Riyad al-Salihin, écrit par Al-Hafidh Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui est mort en... Nawawi. Ouais, Nawawi. 676. Hein? 676. Tu dis pareil. Naam, 676 de l'Égypte. Et qui est mort à quel âge? À quel âge il est mort, on avait dit? 45. 45 en âme. Rahimahullah ta'ala. Donc nous terminons le premier chapitre, un bab al-ikhlas, concernant la niya et le fait de vouer exclusivement son culte à Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce dernier hadith, qui est assez long et qui est connu de tous, je pense. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجي ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما الفيس de عمر عبد الله qui avait pour cognat Abu Abdurrahman rapporte, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, trois individus sont partis parmi ceux qui étaient avant vous. On va expliquer après le hadith en détail. Jusqu'à qu'ils désirent dormir dans une grotte. Alors ils sont rentrés dans cette grotte. Et il y a une grosse pierre qui est tombée de la montagne et qui a bouché l'entrée de la grotte. Naam. Et ils dirent, vous n'allez pas vous sortir de cette situation ni d'enlever cette pierre, excepté si vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala par vos œuvres pieuses. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والسبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فأنفجرت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. Donc le premier homme d'entre eux a dit: Ô Allah, j'avais deux parents âgés, qui étaient des personnes âgées, et je ne donnais le lait du soir à personne avant de l'avoir donné à eux. Je leur donnais le lait du soir avant la famille et avant les esclaves qu'ils possédaient. Et un jour, je me suis écarté afin de trouver des arbres pour mes... Comment on appelle ça ? Pour mon bétail, pour mon troupeau de moutons, dans un endroit autre que j'avais l'habitude d'aller. Et je ne suis pas rentré à la maison avant qu'ils s'endorment. Alors j'ai tiré pour eux le lait du soir. Et je les ai trouvés en train de dormir. Alors je n'ai pas voulu, j'ai détesté les réveiller. Et je n'ai pas voulu donner ce lait avant eux deux, à ma famille ou à mes esclaves que je possède. Et donc le récipient de lait était dans ma main. Et j'attends qu'il se réveille. Jusqu'à que le fajr se lève. Et les enfants criaient et me demandaient à boire dû à la grande faim, à la grande soif. Le lait aussi, ça nourrit, une grande faim. Ils sont là, à mes pieds, en train de pleurer, de crier. Puis ils se sont réveillés, ni ses deux parents. Et ils ont bu de ce lait. Ô Allah, si j'ai fait ceci, dans le seul but de rechercher ton visage, alors aide-nous à sortir de cet endroit et à pousser cette pierre. Et donc la pierre s'est écartée légèrement. Mais ils n'ont pas pu sortir. قال الآخر اللهم إنه كانت لابنة عمي كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. Et le deuxième de ces trois hommes a dit: Oh Allah, il y avait une fille d'un de mes oncles paternels qui était la personne que j'aime le plus ou la personne la plus aimée pour moi. Et dans une autre version, il est mentionné qu'il aimait cette femme au plus profond de lui, comme les hommes aiment les femmes. Et donc, il la voulait pour lui, il voulait cette femme. Mais elle ne l'a pas voulu, elle l'a rejeté. Mais lorsque hein, la pauvreté a touché cette femme, après un certain temps, elle est venue à lui. Alors je lui ai donné 120 dinars afin qu'elle se donne à moi. Et elle l'a fait. Et lorsque j'ai été capable donc de profiter d'elle, et dans une autre version, lorsque je me suis retrouvé littéralement entre ses deux jambes, elle m'a dit « Ittaqillah, crains Allah. » وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمْ إِلَّا بِحَقِّهِ. Ici, c'est une kinaya, c'est une image pour dire ne brise pas la virginité excepté avec son droit, ni par le mariage. Mais on va le voir, on va expliquer tout ça en détail après. Là, on lit juste le hadith. Alors, je me suis éloigné, alors je suis parti. Et j'ai, alors qu'elle était la personne la plus aimée pour moi. Alors j'ai laissé l'argent auprès d'elle que je lui avais donné. Oh Allah, si j'ai fait cela en recherchant sincèrement ton visage, alors secours-nous dans la situation dans laquelle nous sommes. Et la pierre s'est encore écartée, excepté qu'il ne pouvait pas sortir, elle n'était pas ouverte suffisamment pour qu'il sorte. Wa qala thalithu اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستأقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. Et le troisième homme a dit: Oh Allah, j'avais un des employés qui travaillaient pour moi et je leur donnais leur salaire, excepté un homme qui a laissé et qui est parti sans que je lui donne son salaire. Alors j'ai fait fructifier son salaire jusqu'à que les biens augmentèrent en profusion. Et un jour, il est venu me voir et m'a dit: Oh Abdullah, donne-moi mon salaire. Alors je lui ai dit: Tout ce que tu vois là, c'est ton salaire. Tous les chameaux, toutes les vaches, tous les moutons, tous les esclaves que tu vois devant toi là, c'est ton salaire. Alors il a dit: Oh Abdullah, te moque pas de moi. Puis il a laissé un petit salaire et il revient et lui dit: regarde, tout ça c'est à toi. Il lui dit: je ne me moque pas de toi. Alors il a tout pris et il n'a rien laissé. Il a dit: oh Allah, si j'ai fait ceci en recherchant sincèrement ton visage, secours-nous de la situation dans laquelle nous sommes. Alors la pierre s'est mise à bouger et ils ont pu sortir et marcher. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et on va expliquer maintenant le hadith. Le hadith, rien que pour le lire, déjà 15 minutes. فَقَوْلُوا إِنْتَلَقَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ أَيْ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ. Donc on a dit, il y a trois individus qui sont partis, il y a trois hommes qui sont partis parmi les communautés précédentes. فَأَوَاهُمَ الْمَبِيتُ فَدَخَلُوا فِي الْغَارِ يَعْنِي لِيَبِيتُوا فِيهِ. والغار هو ما يكون في الجبل مما يدخل الناس يبيتون فيه أو يتذللون فيه عن الشمس وما أشبه ذلك. Donc ici, il nous explique le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces hommes ont voulu rentrer dans une grotte pour dormir. Et al-ghar en arabe, c'est l'endroit qui se trouve dans la montagne dans laquelle on rentre pour se reposer, pour dormir ou pour se protéger du soleil. فَهُمْ دَخَلُوا حين أواهما المبيت إلى هذا الغار فتدحرجت عليهم صخرة من الجبل حتى سدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا أن يزحزحوها لأنها صخرة كبيرة فروا أن يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال. Donc ils sont rentrés hein, quand ils ont eu besoin de dormir, ils sont rentrés dans cette grotte. Mais lorsqu'ils sont rentrés, hein, une grosse pierre est tombée et a bouché l'entrée de la grotte. À tel point qu'ils ne pouvaient pas sortir. Et ils ne pouvaient pas bouger la pierre, pourquoi ? Elle était trop grosse. Alors ils se sont dit, nous allons, hein, nous allons demander hein, le secours d'Allah en l'invoquant par nos œuvres pieuses. فَذَكَرَ أَحَدُهُمْ بِرَّهُ التام بالوالدين وذكر الثاني عفته التام وذكر الثالث ورعه ونصحه. Donc le premier d'entre eux a mentionné son obéissance parfaite à ses parents. Et le deuxième a mentionné hein, sa chasteté parfaite. Et le troisième a mentionné hein, sa religiosité et hein, son le secours hein, ou plutôt le fait qu'il a préservé hein, le dépôt. أما الأول يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الآن مثل الزوجة والأولاد والمال مثل الأريقة وشبهه. Ici, il dit le premier de ces trois hommes a mentionné donc hein, qu'il avait deux parents qui étaient âgés. D'accord ? Et il ne leur donnait pas al-rabouq. Même un al-rabouq. Al-rabouq ou al-shurb bil-ashi. Wal-murad huna anu kana la yuqaddim ala abawayhi ahadan fi ta'am wa la sharab. Al-rabouq, c'est ce qu'on boit. Hein, le soir. C'est ce qu'on boit le soir. Et si le sens qui est voulu, c'est qu'il ne donnait rien à manger et à boire le soir avant ses parents. À personne il donnait à manger et à boire avant ses parents. Qablahuma ahlan wa la malan. Al-ahl. Al-ahl, c'est comme la femme et les enfants. Et mal ici, c'est quoi le mal ? Hein, c'est les esclaves. Hein, parce que les esclaves, ça rentre dans tes biens. D'accord ? C'est ce que tu possèdes comme bien. Donc c'est ce qui est voulu ici. Wa kana lahu ghanam fa kana yaslahu fiha thumma yarji'u fi akhir an-nahar wa yahlibu al-ghanam wa yu'ti abawayhi ash-shaykhayn al-kabirayn thumma yu'ti baqiyat ahlihi wa baqiyat ahlihi wa malihi. Donc cet homme, il avait un troupeau de moutons. Donc il sortait pour les faire pâturer. Hein, et il revenait à la fin de la journée chez lui. Et quand il revenait, qu'est-ce qu'il faisait ? Il tirait le lait de ses moutons. Et il en donnait à ses parents, âgés, avant d'en donner à quiconque. Ni à ses esclaves, ni à sa famille. فيقول فنأى به طلب شجر ذات يومين. أي أبعد به طلب الشجر الذي يرعاه فرجع فوجد أبويه قد نام فنظر هل يسقي أهله؟ الحمد لله يهديكم الله ويسلمكم وما له قبل أبويه أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان فرجح الثاني يعني أنه بقي فأمسك الإناء بيده حتى بلغ الفجر أي حتى طلع الفجر وهو ينتظر استيقاظ أبويه فلما استيقظا وشربا اللبن أسقى أهله وماله. الله أكبر. Donc ici il explique que le fait qu'il cherchait des arbres hein, sur lesquels il allait faire pâturer ses moutons, il s'est éloigné. Il s'est éloigné de là où il était d'habitude. Et quand il est revenu, donc forcément il est revenu plus tard que d'habitude. Quand il est revenu, il a vu que ses parents dormaient. Alors il a réfléchi. Est-ce que je vais abreuver ma famille et mes esclaves avant mes parents? Ou est-ce que je vais attendre qu'ils se réveillent? Alors il a choisi la deuxième solution. Il a dit, je vais attendre. Alors il a tenu le pot dans sa main. Dans le pot, il y avait le lait. Il a attendu jusqu'à ce que le fajr se lève. Allahu Akbar. Jusqu'à ce que le fajr se lève. Et il attend qu'ils se réveillent, ses deux parents. Et lorsqu'ils se sont réveillés et qu'ils ont bu le lait, à ce moment-là, il a abreuvé sa famille et ses esclaves. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ومعناه اللهم إن كنت مخلصا في عملي هذا فعلته من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج عنا ما نحن فيه. Là, le Cheikh Al-Othaymin dit Fafruj. Non, mais dans le hadith, c'est Farruj. Il dit oh Allah, si j'ai fait cela pour rechercher sincèrement ton visage, alors secours-nous de la situation ou fais-nous sortir de cette situation dans laquelle nous sommes. Le sens, c'est oh Allah, si j'étais sincère, si j'ai voué exclusivement mon acte pour toi, l'ikhlas, beaucoup traduit par la sincérité, mais ce qui est plus correct de l'ikhlas dans la traduction, c'est le fait de vouer exclusivement son culte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si là j'ai voué exclusivement cette œuvre pour toi, je ne l'ai fait que pour toi, alors sors-nous ou secours-nous de cette situation dans laquelle nous sommes. وفي هذا دليل على الإخلاص لله عز وجل في العمل وأن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول العمل في قبول العمل أعوذ بالله فتقبل الله منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة لكن انفراجا لا يستطيعون الخروج منه. Et donc ici, dans cette parole, il y a une preuve. Que quoi ? Que le fait de vouer ses adorations exclusivement à Allah, c'est le fait qu'il faut vouer ses adorations et ses œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ça, l'ikhlas, elle a une très grande part dans l'acceptation des œuvres. Et s'il n'y a pas l'ikhlas, il n'y a pas d'acceptation. Mais comme on a vu, l'ikhlas ne suffit pas. Il faut aussi quoi ? Al-Mutaba'a. Que l'œuvre soit en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de lui par cette œuvre pieuse. Donc il a répondu à son invocation par quoi ? Par l'œuvre pieuse qu'il avait fait pour Allah azza wa jalla. Et donc la pierre a bougé, mais pas suffisamment afin qu'il puisse sortir. أما الثاني فتوسل إلى الله عز وجل بالعفة التامة وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء. Et le deuxième donc, il a cherché le tawassul, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cherché, il a demandé, il a intercédé, ou il a invoqué Allah azza wa jal, par quoi ? Par sa chasteté parfaite, complète plutôt. Pourquoi ? Il avait une cousine, la fille d'un de ses oncles paternels. Et il l'aimait très fort. Il l'aimait très fort, comme un homme aime une femme. فأرادها على نفسها أي أرادها والعياذ بالله بالزنا وليزني بها ولكنها لم توافق وأبت. Donc lui, il a voulu cette femme, والعياذ بالله. Il a voulu faire la fornication avec cette femme. Mais cette femme, elle n'a pas accepté. Et elle a refusé la fornication. فألمت بها سنة من السنين أي أصابها فقر وحاجة فاضطرت إلى أن تجود بنفسها في الزنا من أجل الضرورة وهذا لا يجوز ولكن على كل حال هذا الذي حصل. Et donc elle a été touchée par quoi? Par la pauvreté et par le besoin, elle avait des besoins. Donc elle a fait quoi? Elle a décidé d'aller se donner à cet homme, à son cousin, hein, aller de faire la fornication, hein, par nécessité. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle était contrainte de le faire. Et ça, bien sûr, ce n'est pas permis. Bien sûr, ce n'est pas permis. Hein? Quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فأعطاها 120 دينارا أي 120 جنيها من أجل أن تمكنه من نفسها ففعلت من أجل الحاجة والضرورة فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته على أنه يريد أن يفعل بها قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة اتق الله وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمْ إِلَّا بِحَقِّهِمْ. Et donc, elle est venue à lui. Et il lui a donné 120 dinars. Afin que quoi? Qu'il fasse avec elle ce qu'il veut faire. Et donc, elle l'a fait. Pourquoi elle l'a fait? Pour amour pour lui? Par passion pour lui, hein? Pour assouvir ses désirs? Non. Elle l'a fait pour un besoin, par nécessité. Parce qu'elle était vraiment dans la pauvreté. Alors lorsque l'homme s'est retrouvé dans la position, hein, d'un homme avec sa femme et qu'il allait faire ce qu'il voulait faire avec elle, elle lui a dit cette parole extraordinaire. Elle lui a dit « Crains Allah. Crains Allah. Et ne brise pas, hein, la virginité excepté ni par son droit. » Hein? فخوفته بالله عز وجل وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا بالحق فلا مانع عندها لكن كونه يفض الخاتم بغير حق هي لا تريده ترى أن هذا من المعاصي ولهذا قالت له اتق الله فلما قالت له هذه الكلمة التي خرجت من أعماق قلبها دخلت في أعماق قلبه وقام عنها وهي أحب الناس إليه يعني ما زالت رغبته عنه ولا كرهها بل حبها باق في قلبه لكن أدركه خوف الله عز وجل فقام عنها وهي أحب الناس إليه وترك الذهب الذي أعطاها 120 دينارا. Et donc elle lui a fait peur avec Allah. Elle lui a fait peur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle lui a indiqué que s'il veut ceci, et s'il veut quoi? S'il veut avoir un rapport avec elle, alors qu'il le fasse avec son droit. Et elle n'a pas d'obstruction à le faire dans les règles. Mais le fait de, hein, briser la virginité, hein, sans droit, alors ça, elle ne le veut pas. Elle ne le veut pas. Et elle sait que ceci fait partie des désobéissances, des péchés. C'est pour ça qu'elle lui a dit cette parole. Crains Allah, ittaqillah. Et quand elle a dit cette parole, qui est sortie du fin fond de son cœur à elle, cette parole est rentrée dans le fin fond du cœur à lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors il s'est levé de cette position Imaginez-vous la situation, mes frères. Hein? La position dans laquelle il est, prêt à passer à l'acte avec la personne la plus aimée pour lui. Et cette parole est rentrée au fin fond de son cœur. Alors il s'est levé, malgré le fait que cette femme est toujours la personne la plus aimée pour lui. Son désir pour elle est toujours là. Il ne la déteste pas, mais plutôt il l'aime. L'amour est dans son cœur pour cette femme. Mais la peur d'Allah l'a rattrapé. Alors il s'est levé et il a laissé pour elle l'argent qu'il lui avait donné, 120 dinars. ثم قال اللهم إن كنت فعلت هذا لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج وهذا من آيات الله لأن الله على كل شيء قدير لو شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبقي هذه الصخرة حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوصل به من صالح الأعمال. الله أكبر. Et donc il a dit ce deuxième homme, ô Allah, si j'ai fait cela pour toi uniquement, alors secours-nous de la situation dans laquelle nous sommes. Et la pierre s'est mise, hein, le rocher s'est mis à bouger, mais pas suffisamment pour qu'il puisse sortir. Et ceci, mes frères, fait partie des signes d'Allah, des miracles d'Allah Azza wa Jal. Car Allah est capable de toute chose. Allah est capable de tout. Et si Allah avait voulu, il aurait bougé la pierre dès le premier coup. Il n'aurait pas attendu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'elle reste cette pierre jusqu'à que les trois puissent terminer leur demande d'aide, hein, leur invocation vers Allah par leurs œuvres pieuses. Fahimtoum? Wa amma al-thalith fatawassala ila Allah subhanahu wa ta'ala bil amana wal islah wal ikhlas fi al-amal فإنه يذكر أنه استأجر أجراء على عمل من الأعمال فأعطاهم أجورهم إلا رجلا واحدا ترك أجره فلم يأخذه فقام هذا المستأجر فثمر المال فصار يتكسب به بالبيع والشراء وغير ذلك حتى نما وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق وأموال عظيمة. Quant au troisième, hein, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il demanda son aide, hein, il demanda le secours, et il invoqua Allah azza wa jal. Avec quoi? Avec l'amana, le respect du dépôt, hein, et avec la religiosité, et avec, hein, le fait de vouer son culte exclusivement à Allah Azza wa Jal dans les œuvres. Alors il a mentionné qu'il avait employé, hein, des salariés pour un travail qu'il devait faire. Et à la fin de ce travail, il leur a donné leur salaire. Hein? Comme tout bon patron, Inch'Allah. Sauf un homme. Un homme, il est parti et il a laissé son salaire. Il ne l'a pas pris. Alors cet employeur, celui qui avait employé, hein, ses salariés, il a fait fructifier l'argent. Il a travaillé l'argent. Et il a commencé à gagner de l'argent en vendant, en achetant, etc. Jusqu'à que cet argent, hein, ses biens se sont fructifiés et sont, hein, il y a eu devenu, hein, des chameaux, des vaches, hein, des bovins, des ovins, hein, et même des esclaves et beaucoup d'argent, une grande fortune. Allahu Akbar. فجاءه بعد حين فقال له يا عبد الله أعطني أجري فقال له كل ما ترى فهو لك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال لا تستهزئ به الأجرة التي لي عندك قليلة كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق لا تستهزئ به فقلت هو لك فأخذه واستقاه كله ولم يترك له شيئا. Donc après un certain moment, cet homme qui n'avait pas été payé est revenu. Il a dit, oh Abdallah, donne-moi mon salaire. Alors cet employeur, il a dit, tout ce que tu vois là, tout ce que tu vois, les chameaux, les vaches, les moutons, les esclaves, tout ça c'est à toi. Tout ça c'est pour toi. Alors l'homme lui a dit, attends, arrête de te moquer de moi. Le salaire qui était auprès de mon salaire qui m'est dû et qui était auprès de toi, il est tout petit. Qu'est-ce que tu me dis? Comment tout ce que je vois là, comment c'est possible que c'est à moi tout cela, hein, que tous ces vaches, tous ces chameaux, tous ces moutons, hein, comment ça peut être à moi? Non, arrête de te moquer de moi. Il a dit, non, je ne me moque pas de toi, c'est vraiment à toi. Alors il a tout pris et il n'a rien laissé. Regardez l'iman de cet homme. Hein. Mettez-vous dans sa situation. Hein. Vous allez dire, attends, c'est moi qui a travaillé, c'est moi qui a vendu, c'est moi qui a fait ci, c'est moi qui a travaillé, qui a travaillé dur pour avoir tout ça. Ah, je vais rendre son salaire et c'est tout. Lui, non, tout ça c'est à toi, c'est pour toi. J'ai fructifié ton argent. Allahu Akbar. Mes frères, ce hadith, il faut qu'on médite dessus. Qu'on se pose la question, nous, si on serait dans la situation de ces hommes, qu'est-ce qu'on aurait fait? Hein? Et qu'on comprenne. Hein? Al-Ikhlas. On est dans Bab al-Ikhlas. On est dans le chapitre de vouer son culte, ses adorations, ses œuvres uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme ont fait ces trois hommes. Hein? فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وانفتح الباب فخرجوا يمشون لأنهم توصلوا إلى الله بصالح الأعمال التي فعلوها إخلاصا لله عز وجل. Et donc il a dit, cet homme comme les autres, il a dit, oh Allah, si j'ai fait cela pour toi en recherchant ton visage, hein, alors secours-nous de la situation dans laquelle nous sommes. Et donc la pierre s'est mise à bouger et la porte, hein, s'est ouverte et ils ont pu sortir et s'en aller. Hein, pourquoi? Parce qu'ils ont invoqué Allah, ils ont recherché l'aide d'Allah Azza wa Jal par quoi? Par leurs œuvres pieuses, hein, qu'ils avaient pratiquées exclusivement, ou qu'ils avaient accomplies plutôt exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر فضيلة بر الوالدين وأنه من الأعمال الصالحة التي تفرج بها الكربات وتزال بها الظلمات. Hein? Donc dans ce hadith, il y a un grand nombre de bénéfices, d'enseignements, de leçons. Parmi celles-ci, premièrement, hein, le haut rang ou le mérite de l'obéissance aux parents, et que l'obéissance aux parents fait partie des œuvres pieuses qui permet de se sortir des malheurs, hein, et de s'écarter ou d'écarter de nous, hein, les choses mauvaises. وفيه فضيلة العفة عن الزنا وأن الإنسان إذا عفى عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من السبع الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Deuxième enseignement, hein, c'est le grand mérite de la chasteté. De la chasteté, de le fait de ne pas tomber dans la fornication. Et que l'être humain, s'il est chaste, hein, qu'il ne tombe pas dans la fornication, malgré qu'il a la possibilité de le faire, hein, alors ceci fait partie des meilleures œuvres. Hein, et il est rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette personne, celui qui est chaste, fait partie des sept personnes ou sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah, hein, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté son ombre à lui subhanahu wa ta'ala. Et il a dit parmi ces sept catégories, un homme hein, qui est appelé par une femme, hein, qui a une lignée noble et qui a hein, une grande beauté. Et il dit, je crains Allah. فهذا الرجل مكنته هذه المرأة التي يحبها من نفسها فقام خوفا من الله عز وجل فحصل عنده كمال العفة فيرجى أن يكون ممن يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله. Et donc cet homme a été en position de faire ce qu'il voulait faire avec cette femme qu'il aimait énormément. Et il s'est levé par peur d'Allah Azza wa Jal. Et donc ceci hein, est la chasteté complète, parfaite. Et donc, hein, on espère par cela que cet homme fait partie de ceux qui seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y a aucune ombre excepté son ombre à lui, subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha al-hadith aydan dalilun ala fadli al-amana wa islahi al-amal lil-ghayr. فإن هذا الرجل بإمكانه لما جاهه الأجير أن يعطيه أجرته ويبقي هذا المال له ولكن لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه ونصحه له أعطاه كلما أثمر أجره. الله أكبر. Également dans ce hadith, mes frères, on retire l'enseignement qu'il y a une preuve sur la grande vertu et le mérite hein, du respect du dépôt et sur la religiosité dans les œuvres envers autrui hein. Et cet homme, malgré le fait hein, qu'il pouvait, lorsque son employé est venu, il pouvait lui donner son salaire et garder le reste de l'argent, mais comme il avait un grand respect pour le dépôt et que c'était quelqu'un de honnête et quelqu'un de digne de confiance et qu'il vouait hein, et qu'il était sincère plutôt envers son frère, alors il lui a donné tout ce que son salaire a donné à fructifier. ومن الفوائد ou plutôt ومن فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه تعالى أزاح عنهما الصخرة. عنهم ici il y a une faute hein, je sais pas si c'est pas dans ta tabaa. Ici il y a une faute de frappe. أزاح عنهم الصخرة الصخرة الصخرة بإذنه لم تأتي آلة تزيلها ولم يأتي رجال يزحزحونها وإنما هو أمر الله عز وجل أمر هذه الصخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم ثم أمرهم أن تنفرج عنهم والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. Également parmi les enseignements de ce hadith, mes frères, hein, ici il y a une clarification du pouvoir, de la force, de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Dans la mesure où Allah Azza wa Jal hein, a écarté, a éloigné, a poussé cette pierre hein, par sa volonté subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un outil qui est venu pour la pousser. Il n'y a pas des hommes qui sont venus et qui ont écarté, qui ont poussé cette pierre. Hein? Mais c'est plutôt l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Hein? Par l'ordre d'Allah Azza wa Jal que cette pierre a été enlevée. Allah a ordonné à cette pierre hein, de s'ouvrir de se pousser afin de faire sortir ces hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala hein, est capable de toutes choses. وفيه من العبر أن الله تعالى سميع الدعاء فإنه سمع دعاء هؤلاء واستجاب لهم. Également parmi les leçons hein, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala entend les invocations et Allah azza wa jalla a entendu l'invocation de ses hommes et il leur a répondu. Et encore une fois mes frères et mes sœurs, je vous rappelle concernant les attributs d'Allah hein, qu'on affirme ce qu'Allah azza wa jalla s'est affirmé pour lui-même dans son livre ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé hein, dans sa sunna, hein, sans faire de ressemblance, sans changer le sens, sans demander comment, et sans rien renier. D'accord ? comme l'a mentionné l'imam Mahdi qui dans le fameux Athar sur l'istiwa, qu'on a mentionné plusieurs fois. Donc Allah entend les invocations. Est-ce qu'il entend comme nous? Jamais. Abad. Comment il entend? Allahu a'lam, on ne sait pas. Est-ce qu'il entend? Na'am. Mais on ne sait pas comment. Et il n'entend pas comme nous. Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, on va faire l'adhan et après on termine, Inch'Allah. Il reste un tout petit passage. On finit après l'adhan, Inch'Allah. Na'am, on termine donc l'explication de ce hadith. Il nous dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, Amma al-riya, wal-i'adhu billah, wal-ladhi la yaf'alu al-a'mal illa riya'an wa sum'atan hatta yumdaha 'inda an-nas fa inna hadha kazzabadi yadhhabu jufah la yantafi'u minhu sahibuhu. Donc il mentionne quant à al-riya, yani l'ostentation, qu'Allah nous en préserve, celui qui fait les œuvres, celui qui œuvre et qu'il ne le fait que par ostentation ou pour rechercher une réputation afin que les gens lui fassent ses éloges, alors ceci, il nous dit le shir, il nous donne un exemple, c'est comme l'écume qui disparaît avec la sécheresse. Vous avez vu sur la mer, il y a cette mousse blanche, l'écume, dès qu'il fait chaud, boum, elle disparaît. D'accord ? Annie, son auteur, l'auteur de cette œuvre, dans laquelle il y a l'ostentation, al-riya, le fait qu'il le fait pour plaire aux gens ou pour avoir un rang au niveau des gens, cette œuvre, elle ne lui profitera en rien. Cette œuvre ne lui profitera en rien. Car quand vous regardez les trois œuvres qu'ont mentionnées ces trois personnes, ils l'ont fait pour qui ? Pour Allah Azza wa Jal seul. Pour Allah seul. Dans les trois situations, ils auraient pu faire leurs œuvres pour avoir une réputation pour autre qu'Allah, mais ils l'ont réservé à Allah Azza wa Jal seul. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له فالإخلاص هو كل شيء لا تجعل لأحد من عبادتك نصيبا اجعلها كلها من عبادتك نصيبا اجعلها كلها لله وحده عز وجل حتى تكون مقبولة عند الله لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Et donc mes frères, ici le shirk dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer, à vous ainsi qu'à nous, ou à nous ainsi qu'à vous, le fait de vouer exclusivement son culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette ikhlas, elle doit être, c'est toute chose. L'ikhlas, c'est toute chose. Il faut que aucun d'entre vous, ou il ne faut que personne, mette dans ses adorations un associé avec Allah Azza wa Jal. Mais plutôt, on réserve nos adorations. Il faut qu'aucun de vous ne mette dans ses adorations un associé avec Allah Azza wa Jal. Mais plutôt, il réserve ses adorations uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à que son œuvre soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il rapporte de son Seigneur, qu'il a dit, c'est un hadith Qudsi, il a dit, je suis celui, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, il dit, je suis celui qui se passe le plus d'avoir un associé. Donc celui qui œuvre d'une œuvre dans laquelle il m'associe un autre avec moi, alors je délaisse lui et son shirk et son association. Et avec ça, on a terminé l'explication du premier chapitre de ce livre extraordinaire. Et dès la semaine prochaine, bi'idhnillah, on commencera le deuxième chapitre, Babu At-Tawba. Babu At-Tawba. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.